Ok, on va enchaîner par une petite chanson. Un petit reggae qui s'enchaîne et qui s'accentue et qui finit en délirement ska. Alors on l'a appelé reggae ska. Est-ce que vous allez bien ce soir, Rennes ? Est-ce que vous allez bien ce soir, Rennes ? Ok, alors, pour un peu plus de chaleur, on va demander à toutes les personnes, celles qui sont au bar, celles qui sont derrière, celles qui sont devant, de se rapprocher encore plus, de venir encore plus près. Ce soir, il y a pour toute la nuit, alors si vous êtes déjà fatigué, c'est pas la peine. Bonsoir et bienvenue, nous c'est Cornes, on vient du 5-3 pour faire la fête. Bonsoir à tous. Come. partir pour être entouré de gens et de sourires. Yes, I. Ça fait du bien. On voit que vous avez la pêche ici à Rennes, on n'est jamais su ici. Est-ce que ça va? Vous en voulez encore? Alors là c'est chaud là, vous aimez le ska? Non. Là, est-ce que vous aimez le score? Ok, alors ce soir, généralement on fait toujours la même spéciale dédicace, celle-là elle est particulière. Elle est particulière. Ce soir, on a appris une bonne nouvelle, c'est qu'on allait avoir le premier bébé Cornes. C'est-à-dire que Daddy, notre bassiste, et papa, sera papa.